الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Donc, on va mettre en place un petit programme, Inch'Allah. Chaque dimanche, on va essayer de lire ce livre, Explication des noms d'Allah. Donc, chaque dimanche, je ferai un extrait de ce livre, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim radallahu anha dit: il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur Créateur, de l'aimer, de l'évoquer, de se réjouir et de se rapprocher de lui. Tout cela n'est possible qu'à travers la connaissance de ses attributs et ses beaux noms. Ainsi, plus le serviteur est savant de ses noms et attributs, plus il connaît Allah, l'invoque et se rapproche de lui. Au contraire, plus il ignore les beaux noms d'Allah et ses attributs, plus il méconnaît Allah, le déteste et s'éloigne de lui. Et Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. On va commencer donc par le premier nom qui est Allah. Ce beau et important nom est le plus grand de tous les sublimes noms. Certains ont même avancé que c'était Al-Ism Al-Azam, le nom majeur. C'est donc parce que le nom Allah est le plus important que tous les autres lui sont apposés et en sont les épithètes. On dit en effet que Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Aziz, Al-Hakim, ainsi que les autres noms d'Allah, sont des noms d'Allah. Mais on ne dit pas qu'Allah est un des noms de Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc. Comme nous l'apprend Ibn Abbas, le mot Allah signifie « celui qui détient le statut de divinité et qui doit être adoré par tous ses créatures ». Le compagnon a donc formulé par cette explication la qualité propre à Allah, manifestée par ce noble nom, c'est-à-dire le statut de divinité qui est une de ses qualités, dénotée par le terme Allah. Et ce, de la même manière que les termes « Al-Alim »,« Al-Aziz »,« Al-Hakim » et « Al-Rahman ». Dénote respectivement la science, Al-Alim pour le ilm, Al-Aziz pour Al-Aiz, la puissance, Al-Hakim pour la perfection, Hikma, et enfin Al-Rahim pour la miséricorde, Rahma, qui font toute partie de ses qualités. Ce sont des exemples parmi d'autres noms qui dénotent les attributs qu'ils induisent et qui sont inhérents à l'essence divine. Dans la même logique, Allah signifie celui qui détient le statut de divinité. Cette qualité qui lui est propre lui donne le droit d'être adoré et même le droit de ne partager ce statut avec personne de quelque manière que ce soit. Les qualités propres au statut de divinité sont tous les attributs de la perfection, de la grandeur, de l'immensité, de la beauté, pitié, bonté, générosité et largesse. C'est pour ces qualités qu'on mérite d'être adoré et vénéré. Allah est donc adoré car il possède les attributs de l'immensité et de la grandeur. On l'adore car il est le seul à être essentiel à l'existence des choses, le seul Seigneur, Roi et Souverain. On l'adore car il est le seul à avoir cette pitié, à accorder les faveurs apparentes ou secrètes à l'ensemble de ses créatures. On l'adore car il cerne tout en matière de science, de loi, de perfection, bonté, pitié, pouvoir, puissance, et qui soumet toute chose à lui. On l'adore car il est le seul à se dispenser absolument de tout, tandis que tout le monde a constamment besoin de lui, à tout point de vue. Ils ont besoin de lui pour tout, pour voir le jour et vivre, pour continuer à exister et être entretenu. Les créatures ont notamment besoin d'Allah pour ce qu'il y a de plus important, pour la plus grande des nécessités, le fait de n'adorer que lui, de lui vouer un culte exclusif. La qualité de divinité inclut donc tous les sublimes noms et toutes les suprêmes qualités. C'est d'ailleurs l'argument des personnes pour lesquelles Allah est le nom majeur. D'autres avancèrent qu'il s'agit d'As-Samad, celui auquel toutes les créatures adressent leurs requêtes, vu sa souveraineté et son immensité parfaite et ses qualités incommensurables. D'autres encore ont soutenu que le nom majeur était Al-Hayyul Qayyum, vu que certains hadiths le mentionnent et car ces deux importants noms incluent tous les sublimes noms et suprêmes qualités. En effet, les qualités propres à l'essence divine sont incluses dans le terme Al-Hayy, désignant l'être dont la vie est parfaite, ce qui signifie que ces qualités le sont également. Les qualités d'action sont quant à elles incluses dans Al-Qayyum, celui qui existe par essence et qui permet aux autres de subsister, toutes les créatures sont dépendantes de lui. D'autres thèses furent prononcées au sujet du nom majeur. La synthèse est de dire que ce terme ne désigne pas un nom en particulier, mais un genre. En effet, il y a deux sortes de noms divins. Elle inclut également la qualité propre aux adorateurs, à savoir la servitude. Ces adorateurs vouent donc un culte à Allah et lui sont asservis. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Il est celui qui, dans les cieux et sur la terre, est adoré, et c'est lui le sage, celui qui sait tout. C'est-à-dire que les habitants du ciel et ceux de la terre l'adorent de gré ou de force. Tous sont soumis à sa grandeur, menés par sa volonté humble devant sa toute-puissance. Également les adorateurs du Clément lui vouent un culte et fournissent tous les efforts possibles en l'adorant de tout leur cœur, dans toutes leurs paroles et tous leurs actes selon leur degré et les places qu'ils occupent. Ils connaissent donc autant de qualités et d'attributs que leurs forces leur permettent de saisir. Ils l'aiment du fond du cœur, d'un amour qui fait de l'ombre à toute autre forme d'amour, si bien que l'amour qu'ils éprouvent pour Allah n'est pas mis à mal par celui qu'ils ont pour leurs enfants, leurs parents ou tout autre être cher. Mieux encore, les élites parmi eux ont subordonné tout ce qu'ils aiment à l'amour d'Allah, qu'il s'agisse d'éléments religieux ou non, puisque l'amour qu'ils éprouvent pour lui est à son comble. Ils se sont mis à aimer les personnes, les actes, les temps et les lieux qu'il aime. Leur amour et leur haine dépendent donc entièrement de leur Dieu, de leur maître bien-aimé. Les cœurs sont la source de la dévotion et de la servitude, et puisque les leurs débordent d'amour pour Allah, ces élites sont en quête de sa proximité et de son agrément. Pour y parvenir, ils emploient l'effort, le labeur mis en œuvre lorsqu'il s'agit d'appliquer ses ordres et ceux de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou d'abandonner tout ce qu'ils ont interdit. C'est ainsi qu'ils devinrent sujets et objets de l'amour divin. Leur servitude a donc atteint la perfection, ainsi que l'adoration vouée à leur Seigneur. C'est ainsi qu'ils ont mérité de devenir ses véritables adorateurs, et comme on peut le voir dans ce verset, d'être annexés à Allah, qualifié de clément, et les serviteurs du tout miséricordieux. Sourate Al-Furqan, verset 63. Puis, il mentionna leurs qualités qui ne sont que le résultat de sa clémence. Ils ont pu y avoir accès grâce à sa clémence. Il les a gratifiés de son amour, de sa proximité, de son agrément, de sa récompense et de sa générosité grâce à sa clémence. On comprend ainsi qu'accorder cet amour qui est l'esprit de l'adoration pour laquelle on a été créé à un autre qu'Allah, c'est se tromper de destination. Celui qui ferait cela commettrait également un gâchis et ferait à sa propre personne le pire des torts puisqu'il priverait de son droit le plus élémentaire. Voilà pourquoi le polythéisme mérite d'être la grave injustice. Et voilà pourquoi le polythéiste mérite le feu à perpétuité, privé à jamais de l'accès au paradis. Ce dernier est en effet le pays des bons, ceux qui ont adoré Allah comme il se doit de manière exclusive. Dans plusieurs passages, Allah a cité ensemble ces deux significations. Par exemple, lorsqu'il, subhanahu wa ta'ala, dit à Moïse, alayhi salam, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. Ce qui signifie, je suis Allah, aucune divinité n'est digne d'adoration à part moi, adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Sourate Taha, verset 14. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونِي. Ce qui signifie, nous avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. Sourate Al-Anbiya, verset 25. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَعَبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Ce qui signifie, adore-le donc et sois constant dans son adoration, lui connais-tu un semblable. Sourate Maryam, verset 65. C'est-à-dire une personne qui aurait des qualités semblables relatives au statut de divinité. Également la formule de pureté, La ilaha illallah, nul autre qu'Allah n'est adoré en droit, inclut de nier qu'un autre que lui, quel qu'il soit, puisse occuper le statut de divinité. ou en mériter ne serait-ce qu'une once. On ne destine donc l'adoration à personne d'autre qu'Allah, qu'elle soit visible ou secrète. La qualité de divinité est entièrement attribuée à Allah. Seul lui mérite donc qu'on lui adresse une adoration mue par l'amour, la convoitise, la crainte et l'entier dévouement. Une adoration mue par la soumission et l'humilité, entièrement et sans restriction. Oui, Allah est bien l'unique être adoré, loué et complètement vénéré à juste titre. Allah est bien l'être majestueux et magnanime. Voilà, donc c'est terminé pour ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour faire la suite des noms qui seront Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Bar, Al-Kerim, Al-Jawad, Al-Wahhab et Al-Ra'uf. Donc, la source de tout ce que je viens de vous dire, c'est ce livre, Explication des noms d'Allah de Cheikh Abdelrahman Saadi. N'hésitez pas à partager, Barakallahu Fikum. Et si vous avez des questions, vous n'avez pas compris un passage, n'hésitez pas à venir en PV. Et je vais mettre tout ce que j'ai dit, la story en format MP3 sur le lien que je vous ai dit hier. Je